Section 14 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 14, sur les femmes, par Paul Bourget. C'est être trompé deux fois par une femme que d'être trompé à l'heure où l'on était tendre. Il y a des pardons qui ravalent celui qui pardonne au-dessous de celle à qui il pardonne. Une femme cueillit une branche d'arbre, une branche de chêne avec les feuilles tendres, à peine dépliées, roses et rougies du mois de mai. Elle la regarda et dit « Ah, comme c'est bien arrangé !» Phrase charmante de la frivolité qui voit du petit fer, de la dentelle, du frison partout. Phrase attristante de la frivolité que ne trouble jamais l'étrange mystère du réel. Phrase singulière de cette frivolité qui rencontre, d'un coin de bouche rieuse, le raisonnement des philosophes sur Dieu. Et le paysage était noyé de soleil, de feuillage nouveau et de pluie. On aimerait mieux si l'on ne savait pas qu'on aime. Le désir du bonheur empoisonne le plaisir. La vaniteuse fait parure de tout, même de son remords. Son amant lui a montré la douleur qu'elle lui a causée. Elle a pleuré. Quelques heures après, de sa pâleur, de la trace de ses larmes, de sa voix adoucie, comme brisée, elle fabriquera des appâts ou prendre un autre homme, et elle va ainsi transformant tout en maquillage depuis les pures idées qu'elle s'approprie pour séduire jusqu'aux saintes émotions qu'elle utilise à peine ressenties. Ces femmes-là sont la vengeance de celles qui nous ont aimées vraiment et que nous avons méconnues. Fin de la section 14, lue par Sandra, près de Montréal.